point d'interrogation qui ouvre le débat ce soir, la science sous la Bible. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Nous avons plusieurs invités dans ce studio. Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de la Guyane, Olivier Marnette et Augustin Constantin, tous deux enseignants scientifiques à l'université de la Guyane. Le 31-9000 est ouvert, on le rappelle. Vous pouvez composer donc le numéro et Mélissa vous attend. Alors, messieurs, encore une fois, Monseigneur Lafont, vous avez écouté attentivement Monsieur Augustin Constantin. Alors, dites-moi, est-ce que, quelque part, vous ne lui donnez pas raison? Est-ce qu'il n'est pas en train de vous convaincre? Mais pas du tout, parce que nous ne parlons pas de la même chose. Monsieur Constantin et Monsieur Marnette sont des savants, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens d'investigation de plus en plus grands pour expliquer comment ce que nous voyons s'est développé, se développe et peut s'expliquer. Et ils recherchent d'ailleurs, ils n'ont pas toutes les réponses à ces questions du comment. Mais comme l'a dit très bien M. Constantin, avant le Big Bang, il y avait quoi? Et c'est à cette réponse que seule, pour moi, la foi ou la métaphysique peuvent donner une réponse. C'est-à-dire que, tandis que nous pouvons expliquer un certain nombre de choses et regarder le monde sensible, le pourquoi, l'origine de tout, ne s'explique pas, n'a pas d'explication aujourd'hui, et nous pensons qu'il n'y a pas d'autre explication que celle que c'est le résultat d'une intelligence et d'une sagesse profonde que nous appelons Dieu. Sans lui, il n'y aurait rien de ce qui existe. Marcel est avec nous. Bonsoir Marcel, vous êtes en direct sur Guyane Première, on vous écoute. Bonsoir. Voilà, je vais vous citer c'est une parole de Paul. Nous connaissons en partie. Il y a une chose que nous connaissons, c'est marchons selon l'esprit, avec l'espérance qui va avec. D'accord? Nous connaissons en partie. Nous connaissons rien du tout. Mais il y a une chose que nous connaissons, c'est marcher sur l'esprit et ça ira mieux, avec l'espérance qui va avec, après la mort. Ok, je vous suis. Merci beaucoup pour vos interventions, Marcel. Réaction dans ce studio? Mais je suis d'accord avec Marcel, à savoir que notre connaissance humaine n'est pas complète. C'est-à-dire que nous avons des questions profondes. Pourquoi je suis là? D'où est-ce que je viens? D'où vient le monde? Est-ce qu'il a un sens? Est-ce qu'il y a une sagesse derrière ce monde? Est-ce qu'il est le fruit du hasard? C'est à toutes ces questions que la Bible, comme un livre de sagesse, donne des réponses. Dites oui. L'univers, quelle que soit la manière dont il s'est composé, dont il a vécu les 13 ou 14 milliards de son existence, est le fruit d'une sagesse et d'une intelligence superbes, de quelque chose de bon, d'un être vrai, d'un autre beau, qui donne à tout cela une signification et une destinée. Et nous faisons partie de cette destinée et nous sommes du coup les fruits de cet amour, appelés à vivre dans cet amour. Et c'est cela d'ailleurs l'Esprit de Dieu qui est en nous. On ne s'est pas du tout convaincant apparemment pour Monsieur Constantin. Si on savait, bon, on serait très réconforté. Bon, nous avons tous besoin de croyance. C'est juste un besoin ou alors il faut croire? Il faut croire en quelque chose. Disons que les gens qui ont une croyance, ce qui est d'important dans les religions, c'est que cela donne aux personnes des modèles de comportement humain. Ce qui est important, c'est le apprendre à vivre ensemble, c'est avoir une conviction d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait avec les autres, vit-on seul, etc. Donc en fait, c'est des concepts, des principes pour nous apprendre à vivre en harmonie avec notre environnement et avec l'univers aussi. C'est sûr que au départ, notre univers se limitait à la Terre. Je vous donne un exemple bien simple qui a... Quand vous regardez le ciel et que vous regardez le ciel pendant longtemps, si vous figez le ciel sur une pellicule photo, vous voyez des étoiles qui tournent. Donc ça, c'est la vision que nous avons en tant que terriens. Et puis quand on commence à réfléchir, on se dit que si nous sommes fixes et que les étoiles tournent, eh bien, elles vont vraiment à une vitesse qui est extraordinaire, qu'elles ne peuvent atteindre. Et c'est là qu'on s'est rendu compte plus tard, cela date du XVIe siècle, qu'en fait, c'est pas tout, on est passé du géocentrisme à l'héliocentrisme, c'est pas toutes les étoiles et toutes les planètes qui tournent autour de la Terre, mais qu'il y a un certain nombre de planètes qui tourne autour du soleil. Par exemple, donc ça c'est la vision qu'on a sur Terre n'est pas forcément la bonne.